Radiomatique. Thank you. amorce de cette transmission 1, 2, 5 d'Audiomatic, les électronistes vous présentaient le projet allemand Index ID avec sa composition Rome Zentriert de son premier album Schlafphase, paru en 1999. La musique est une drogue addictive. Le plaisir d'écouter de la musique fait intervenir les mêmes mécanismes chimiques dans le cerveau que la consommation de drogue, voire que le plaisir sexuel. Lorsque les sons s'agencent et que les mélodies sont empreintes d'émotions, notre cerveau génère ses propres opioïdes qui agissent comme des psychotropes. Dans une composition musicale, le ton, le rythme, l'accent et les rimes synthétiques ou vocaux se renforcent mutuellement, faisant de la musique une puissante drogue auditive. La musique génère ainsi un état euphorique. En ce sens, on peut donc dire que les électronistes vous transmettent, chaque semaine, votre drogue auditive. Sans plus tarder, voici d'ailleurs la prochaine dose. Thank you. Thank you. Le défunt groupe Coil nous offrait à l'instant sa pièce Princess Margaret's Man in the Jamalfna, tirée de l'album The New Backwards. L'album Backwards a originalement été composé en 1996 dans les studios de Trent Reznor, mais n'a jamais été publié comme tel. En 2008, les compositions produites en 1996 ont été retravaillées pour en offrir une version renouvelée qui prend la forme de l'album The New Backwards, duquel nous avons entendu cette excellente pièce. Notez par ailleurs que le décès des deux principaux membres, John Balance et Peter Christopherson, respectivement décédés en 2004 et en 2010, a bien évidemment mis fin à la vie de Coil. Avant d'entendre Coil, nous écoutions la pièce Lilith, composée par la formation Plaid et sur laquelle vous aurez peut-être reconnu la voix de l'artiste Bjork. Cette pièce se retrouve sur l'album de Plaid intitulé Not for Threes, paru en 1997. Nous avons pour vous maintenant en audiomatique la musique du projet australien Shinjuku Filth. Achieved anything through hard work and honest effort, except for someone else. Honey, is that you? seems to be jammed. Please check the lock on your side. Please check the lock on your side. We'll be right back. Thank you. Nous terminions cette séquence musicale à Audiomatique avec le projet américain White Trash Compactor, mené par Michael T. Lauter, qui nous présentait la pièce Body Gulch Part 3, tirée de la bande originale du film Persistence of Division, qu'il a lui-même écrit et réalisé. Précédemment à White Trash Compactor, nous avions droit au duo anglais Les Jumeaux, formé des frères Clive et Nigel Humberstone, qui sont davantage connus pour leur projet In the Nursery. La chanson que nous entendions du duo Les Jumeaux s'intitule Chin Tiao et est tirée de l'album Cobalt. Et pour débuter, le projet australien Shinjuku Filth, un des pseudonymes de Darren Verhagen, nous interprétait la pièce The Art de son album Raised by Wolves. Audiomatique se poursuit sans attendre avec Displacer et sa pièce Never Compromise. Thank you. Le projet Theremin Quattro nous offrait sa version électronique de la pièce Aquella Luz, composée originalement par le groupe rock péruvien Catervas. Cette pièce se trouve sur la compilation Peruvian Remixing Corporation. Avant cela, nous écoutions la formation argentine Entre Rios et la pièce Primero de Genero qui paraît sur son deuxième album intitulé Idioma Suave, paru en 2004. et c'est avec le projet Displacer que nous entamions cette séquence musicale. De son album X Was Never Like This, nous entendions la pièce Never Compromise. Pour conclure cette transmission 1, 2, 5 d'Audiomatic, nous avons choisi de vous faire jouer la musique du projet Android Lust, mené par l'artiste bangladaise maintenant basé aux États-Unis, Shiki Diorna. Nous entendrons la chanson Refuse de son premier album Resolution. La fin de la transmission 1-2-5 n'est que le début de la transmission 1-2-6 qui, après l'inéluctable ellipse temporelle hebdomadaire, sera diffusée en direct mercredi prochain dès 17h. Néanmoins, pour remplir cette ellipse par les choix musicaux des électronistes, vous pouvez réécouter toutes nos anciennes transmissions, dont les capsules sont disponibles sur notre profil mixcloud.com/audiomatique. Vous pouvez également visiter notre profil facebook.com/audiomatique-cfou, qui constitue un autre point d'accès aux transmissions antérieures d'Audiomatique. Voici Android Lust et la chanson Refuse à Audiomatique. Bonne écoute et bonne semaine.